vals. Oké. Maar nee, een dekker. Een silo mam jonlo. Yes. International. Ik denk een freestyle. Wist al Iva Jam Taba. Big representer. Du wist me komen net zo wie neist. We komen door zo wie blij voes. Aber net Mation hat Trishon der Ston. We komen door muke grond. Aber me brennen dat. Net de Sprit, me de Spirit. We proberen ze connecteren wie een Diamant dat refracteert. En dat scheint net. Dat so wie Appes Internationales. Yeah. Los het schijn, wist je dat is Jam Taba? Wist je dat is door connectie, door optie voor. Ik moet zo de John roepen, wist je? Wie gezegd, ik word maar zeker zien dat het goed gaat. En dan meer maar vieren. Meer feiren met de geboortedag van Stefan te betten doen. En dan. Yeah. En dan wist je vielleicht zonden of daar. In ieder geval, ik meen me zin van een keer om, want. Ça va. Ik word me zo beter rausplayen, wist je? Beter glowen. Merci, Diro. Hey. Yeah. Ciao, ciao. Ciao, yo, John Epp. John Epp. John Epp. How you going in the starts? Start block. John Epps. What the clock? What's about? Okay, ich rufe ihn da op den Telefonsnummer un. Wat leeft ab, wat geht de groen, oder zo. Aber ich weiß hoe genau es is sowieso. Net op de Leitung, aber irgendwie probieren es te scratchen. Scratchen, yo. Hallo? Wie geht het? Weil ich muss gucken, wie ihr da ausgesagt habt. Besser so, das ist ein bisschen kriech an der ganzen Session, wisst ihr, dass nun das ziehen kann auch ganz klein kann auch bei uns am Beikommen, so wisst ihr. Und das ist konzert, wisst ihr, das ist ein Lohn der Situation. Ja. Okay, ich wollte nur mal wissen, mit meinem Anfang Jam, okay, Decker? Okay, ich wollte nur mich vergewissern, dass hey, das klingt, okay, dann den Schloss, Decker. Okay. Mann, das ist alles easy, das ist perfekt. Ich bin gut dabei. Ja, das Sound ist perfekt, man. Genauso gut, ob 110 gesagt, wisst ihr, dass der Level ein bisschen mehr hat, das ist alles proper, das ist clean, man. Das ist proper. Wir können, also, nicht zu merken, man. Ey, cool. Leh mal aus, du eigentlich schon, oder weg. Okay, mir falls du meine Stimme nicht mehr hörst, ruf mal an, okay? weil ich habe so Probleme und ich weiß nicht für was. Einmal hat mein Sascha mit uns gelernt, 3 Stunden, und tut nichts abgeholt. Ich war mal nicht online. Verstehst du? Vielleicht war ich auch zu stark mit so einem Scheißding. Ich will aber wissen, weißt du? Okay. Let it flow. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey. Okay. Competition. We don't have this city go, this smart go, or this go-go gigolo. We are not Crocodile Dundee, and we have with the peace. Renegade, legalize it, such a fini. Hey, les gars, focus unis. Y'a toujours les mêmes précipices pour chacun, parce que... Diable était un homme ou une femme. Moi je vous réponds que c'est un esprit. Y'a tellement de connards qui essayent de nous dissimuler de la vérité. Y'a tellement de choses qui nous font. Tellement de choses. De bien. Et on est aveugle. Why are we so blind? Money, money, c'est toujours la même chose qu'ils veulent jusqu'à ce qu'on s'étouffe, jusqu'à ce qu'on tombe. C'est la money. C'est la money. Of yourself, shine true. We saw a lot of bullshit and we saw a lot of good things. The problem is, come on, Thomas, don't joke. You are joking, eh? You are only joking, eh? Serious, serious, yeah. All right. Il était une fois une belle chanson, et c'est celui que tout le monde fait dès le réveillon. Il se lève le matin. Il est pas sûr, il est pas serein, mais quand même il va donner de son mieux. Let's go. Oh, oh, oh, oh, okay. Total par l'interlope, loi internationale, une langue à une seule enveloppe. Tu es mon seul mourla hors la loi, tu sais que je te représente. Hein. Y'a tellement d'amour autour de nous, on n'arrive même pas à le décrire et je suis à genoux. En train de prier Dieu pour que ça se réconcilie, pour que ça se réconcilie. Mais non, on est tous dans la compétition, y'a tellement de compétition et c'est pas normal. Parce que tu sais, y'a tellement de gens qui veulent juste l'amour. Et pourtant on n'a pas de haine. Et chaque matin ils nous regardent avec le regard. Et j'en ai rien à foutre parce que moi j'ai pas croqué la pomme d'Adam. J'y crois pas à leur système. C'est toujours la même chose, la même graine. De la haine et du diable. J'en ai rien à foutre et je connais mon cartable. Je suis sur le MIC. Et j'ai cette belle voix qui m'a sort. C'est une chose. Thank you. que du malheur. Donc ce style, c'est ce style, c'est ce style, c'est ce style. For them together with music. I know where I come from and I don't know where I go, but I'm sure there are a lot of people around me. Yeah. Have you ever known?